Francis d'Oser, changer m'a fait une longue réponse. Mais je peux pas tout lire ça, vous lire tout ça, puis répondre point par point, parce que je peux pas enregistrer des vidéos de plus de 15 minutes à peu près, parce que ça me prendrait un autre numéro de téléphone pour valider le compte. Puis quand j'ai quelqu'un ici avec un autre téléphone, je pense jamais. Donc, moi, je trouve ça long, puis passer chaque point, puis ça serait bien trop long. Ça serait bien trop long. Puis, bon, je vais revenir aussi pourquoi, là. Pourquoi je peux pas faire ça comme ça? Donc, dans les affaires, j'ai retenu le plus, là, Francis, il me dit, je vois pas les régressifs vers l'animalité. Puis là, je me dis, il était où les 30 dernières années? Puis même avant, je veux dire, dans le sens des archives qu'on a, comment que... Bon, moi, je considère ça comme factuel, je veux dire, on le voit, là. Donc, juste la façon dans le marketing dont les pulsions de vie, les pulsions de mort sont utilisées. Dans le design, on voit de plus en plus des crânes avec des fleurs, des affaires de main. Puis aussi les comportements. Les comportements. Les gens sont de moins en moins. En tout cas, il y aurait beaucoup de choses à dire là, sur ça. Mais ça, il semble-t-il, il y a des phases comme ça dans l'histoire. Il me dit que si je suis inquiet pour la morale ambiante, c'est parce que chaque chapelle a sa morale, puis blablabla. C'est pas de ça que je parle. C'est pour ça là que là, il me parle de Spinoza, puis Nietzsche. C'est pour ça, moi, personnellement, ça me rappelle des souvenirs de quand j'étais dans des cercles de philosophie, puis que j'avais à débattre avec des professeurs, puis du monde de cégep, puis des professeurs d'université, des francs-maçons, il y avait beaucoup de francs-maçons. Puis c'était leur référent. C'était souvent Nietzsche, Rousseau, les Lumières, bien sûr, Nietzsche, Spinoza. Le problème, c'est que tout ça, c'est très intelligent au niveau de l'intellect. Mais dès qu'on en sort, puis qu'on regarde les faits, la réalité, ça ne l'est plus. Puis, je veux dire, on parle de des gens très intelligents intellectuellement. Intellectuellement, ce que moi je ne suis pas. Par contre, je ne pense pas ne pas être quelqu'un d'intelligent. Mais il reste que Spinoza, qui a déclaré que la mitzvah était pas bonne, puis qu'il fallait la changer, c'est particulièrement stupide. Il mettait en danger la paix dans toute sa communauté. Il était condamné à l'exil. Puis, si ça avait moi le rabbin, ça avait été moi le rabbin, ça aurait été plus sévère que ça, pas mal. Pas mal. Parce que là, on parle vraiment de créer le trouble dans toute une communauté qui n'en avait pas besoin. Puis, c'est pour des considérations, au fond, qu'au niveau pratique, c'est complètement superficiel, puis on peut pas changer tout d'un coup de même sans en subir les conséquences. Puis juste le fait qu'il n'ait pas pensé aux conséquences que ça aurait, moi, à mes yeux, j'y vois une forme de stupidité. Si on prend Nietzsche, ça mène où, justement, de pas avoir de morale, ou d'être immoral, ou amoral, ou peu importe, mais ça peut mener jusqu'où? Ben, Nietzsche, c'est la syphilis qui lui a détruit le cerveau. On parle encore de quelqu'un très intelligent au niveau de l'intellect, mais en général, pas du tout, à mes yeux. L'affaire de courir les bordels, puis c'est des mœurs vues comme normaux aujourd'hui, puis ou même Nietzsche, on peut parler de... Bon, il n'y a pas juste la moustache qui est en commun avec... Mais il reste que... Ben, ça mène à la mort, ces comportements. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pas de morale, tu vas crever plus jeune, c'est sûr. C'est sûr. Ou peut-être, si t'es un trop de morale, tu vas mourir plus jeune aussi. Mais dans le sens qu'il y a un juste milieu, mais il reste que moi, Nietzsche, Spinoza, Rousseau, c'est pas des référents, là. À mes yeux, c'est quasiment des handicapés. Ben, c'est une façon de parler, mais si on parle juste Rousseau, puis son justement sa philosophie naturelle, puis on n'est pas loin de Wessop, là. Puis aussi, au niveau de la pédagogie, ça s'est tout avéré. C'est bien beau, là, la philosophie, puis l'intellect, puis l'idéalisme. À mes yeux, ça aboutit à des conneries. Désolé. Francis, il me dit, ben, il apprécie les stoïciens, mais c'est là que je me dis, ça me rappelle tellement ces ambiances-là de cercle de philosophie. Pourquoi? Parce qu'il y a un saut de cabri. Il y a un saut de cabri. On a les classiques de l'Antiquité, puis là, il n'y a rien de la philosophie chrétienne, ça n'existe pas, puis on saute tout de suite à Spinoza, les Lumières, puis Nietzsche, puis... Comme si, c'est une longue période, là, tout qui est comme si ça n'avait pas existé, c'est survolé légèrement. Un saut de cabri. Un vrai saut de cabri. Je veux dire, il me demande de faire un effort au lieu de choisir la facilité puis les préjugés. Francis, t'écoutes pas ce que je te dis. T'écoutes pas ce que je te dis. C'est pas une affaire de facilité. Moi, l'intellect, j'aime pas ça. Je te l'ai dit. Je suis pas un intellectuel. J'ai pas envie de me casser la tête à lire tout un affaire de la même point par point pour répondre à des affaires que ça existe juste dans l'intellect, tant qu'à moi. Puis que c'est pas concret. Tu le vois, je veux dire, t'es pas aveugle. Est-ce que tu es capable de le voir que justement la multiplication, le fait que la nature a horreur du vide, puis le fait que le catholicisme a laissé un vide, que justement ça a engendré la multiplication d'un paquet de petites chapelles, comme tu dis, puis des superstitions encore plus délirantes, puis que ça s'est multiplié, pasteur, c'est rien que ça. Je veux dire, moi, ce que je regarde, c'est pas nécessairement au niveau juste, c'est surtout par rapport à notre société. Puis le fait que les gens n'ont pas décidé ça sciemment, je veux dire, la population a pas été au courant que ces choix-là, jusqu'à un certain point, ont été faits à sa place, puis que ça a été orienté, puis on a vu la même chose avec la commission Bouchard-Taylor, à quel point on s'en fout de l'opinion de la population, que on va la diriger à avoir une opinion. Là, je suis d'accord qu'il n'y en a pas de libre arbitre à ce niveau-là, c'est sûr, mais c'est de la manipulation, puis c'est hypocrite. L'affaire que je dis, c'est si la population en majorité elle décide des choses, c'est correct, mais si c'est pas, si c'est fait parce que des gens l'ont décidé à sa place, puis qu'ensuite elle est conditionnée vers des choix comme ça, je veux dire, t'es pas aveugle, Francis, tu le vois, notre société, je veux dire, j'ai connu, étant enfant, des vieux couples très matures qui avaient passé à travers plein d'épreuves, puis qui étaient tout le temps restés ensemble, puis même à la fin de leur vie, qui s'aimaient pareil, même s'il y avait eu des. Je veux dire, tout ça, à cause d'une certaine moralité pareille, je veux dire, il reste que ça faisait des foyers stables, puis que ça engendrait un patrimoine, qu'ensuite, il y avait une pérennité. Je veux dire que je l'invente pas que avant un ouvrier pouvait faire vivre 12 enfants, avoir une maison payée, puis une femme avec un salaire d'ouvrier. Aujourd'hui, les deux parents travaillent, puis ils n'ont pas les moyens de faire vivre un enfant. Des fois, puis ils sont dans un loyer, ils peuvent même pas s'acheter une maison souvent. Je m'excuse, mais il y a des choses que on va payer très, très, très cher. Très, très, très cher pour tout ça. Que finalement, moi, ce que je regarde, c'est le résultat. Ce que ça, ce que le résultat, je m'en fous jusqu'à un certain point de toutes les théories intellectuelles, puis comment qu'on en débattrait pendant des millénaires, ça donne quoi? On a le temps de disparaître 1000 fois. Mais j'ai l'impression que, dans le fond, il y a une partie du monde qui s'en fout. Moi, je te l'ai dit clairement, l'affaire, c'est que j'ai pas envie de me casser la tête et tomber dans un débat philosophique. Je l'ai fait pendant des années, puis ça m'intéresse pas. Ben, tu me prends ça comme quoi que c'est pas j'ai des préjugés, je choisis la facilité, pis. Ben oui, mais regarde là, Francis, si toi t'es pour, là, pour toi, là, c'est le mal absolu, le catholicisme, pis il faut se débarrasser de ça à tout prix, ben dans le fond, d'une certaine façon, c'est en accord avec ce qu'on assiste. Je veux dire, moi, le catholicisme, je suis pas 100% d'accord avec tout, au contraire, mais le bien au niveau sociétal, ce qu'il y avait de solide, puis qui servait de cohésion, puis tout ça, je le vois. Puis le fait de l'enlever, je vois aussi le résultat. Les gens, je veux dire, aujourd'hui, regarde la maturité affective d'un homme de 30 ans, c'est celle d'un enfant de 15 ans, il y a 60 ans, dans le fond, si on regarde les mœurs d'époque, puis comment c'était. Aujourd'hui, les gens se séparent à la moindre petite affaire, une petite peine d'amour, puis le monde, ils sont à pleurer en direct sur YouTube. Il n'y a plus aucune décence. C'est n'importe quoi. C'est là la société du spectacle, dans le sens que les 15 minutes de gloire de Warhol, le vide total, total, aujourd'hui, on le voit. On le voit. Donc, tout ça, je veux dire, peut-être que dans le fond, tout c'est correct. Que tu dis que tu es pessimiste, je comprends donc. Je comprends donc. Mais c'est à se demander si, dans le fond, tu n'es pas un petit peu pour. Je me le demande. Mais c'est ça, c'est pas grave. Je veux dire, l'affaire, c'est que, bon, quand on est marginalisé, on se fait comme. Genre, on n'accepte pas le contrat social, puis blablabla, puis. Mais là, je veux dire, moi, une partie de ma vie, une grande partie de ma vie, j'ai surtout parlé à des marginaux. J'étais surtout porté à aller parler aux marginaux, ceux à qui personne ne parlait. Avec le temps, aujourd'hui, je fais exactement le contraire. J'ai compris. Je sais pas. Je trouve que c'est un petit peu le préjugé. Je considère pas qu'il y a des raisons pourquoi que, de toute façon, comme je te dis, un débat intellectuel, personnellement, je suis pas tout seul à pu écouter de musique, à pu écouter de films, puis à pu servir autant de son intellect qu'avant, tout simplement parce que ça va plus vite de constater tout de suite. Mais ça, c'est pas parce que je choisis la solution de facilité. C'est quoi qu'il faut que. C'est pour être ouvert d'esprit. Je ne suis pas assez ouvert d'esprit. Je veux dire, c'est le même discours qu'on nous sort depuis des décennies. C'est comme, j'ai vraiment l'impression d'entendre des affaires qui viennent d'un cégep, là. Donc, l'ouverture d'esprit, à mes yeux, c'est une nuisance jusqu'à un certain point. C'est ça qui fait que les chevaux de Troie rentrent, puis qu'on est complètement dénaturés. Donc, l'affaire d'être ouvert d'esprit, faut que je fasse quoi? Que je prenne des champignons magiques, que j'aille me faire initier par un bonhomme en Bolivie, puis que. Non. Ça m'intéresse pas. Au pire, à un moment donné, peut-être si c'est faisable, puis ça coûte pas trop cher. Peut-être dans une clinique privée, louer un électroencéphalogramme, puis on va tellement. Je veux dire, il y a possibilité de changer les fréquences émises par le cerveau sans rien prendre. Comment avoir ces capacités-là sans rien prendre si on prend des choses pour les avoir? Un petit peu de misère avec ça, là. Je veux dire, c'est dans la même mouvance que ce qu'on voit, là, avec tout ce qu'on essaie de nous vendre à la télévision, puis la ayahuasca, puis je me rappelle qu'il y avait une émission pour les jeunes, puis à un moment donné, Julie Le Breton a parlé de Castaneda dans les années 90. C'est banal, ces affaires-là. C'est la mode. C'est pas être marginal pour être persécuté. Hein? Prendre des hallucinogènes pour vivre des expériences, puis je veux dire, puis aimer la bouffe bio, puis écouter, je sais pas quoi, des affaires de metal pop, puis des cossins de main. Je veux dire, on n'est pas dans l'ouverture tant qu'à moi, on est presque dans le conformisme total. Je veux dire, il y en a beaucoup, beaucoup des. C'est pas un blâme, là, c'est pas ça que je dis. Mais l'affaire que je t'entraîne, ce que je veux dire, dans le fond, c'est moi je suis fermé, moi je manque d'ouverture. Peut-être parce que je l'ai vécu, l'ouverture, puis j'ai vu ce que ça donnait. Je vais être de plus en plus fermé. Je l'avais dit, je vais être de plus en plus fermé. C'est sûr. Parce que je l'ai dit, je procède par élimination. Donc, mais Castaneda, vu qu'il n'a jamais été vraiment présent au Québec, puis que c'est pas, moi je l'ai pas autant étudié que d'autres. Mais pour ce qui est de toutes les menteries, puis toutes les dérives, puis toutes les morts qu'il y a eu, ma conjointe, elle connaît bien le dossier Castaneda, puis tout. Puis moi, ben, je sais pas. Je trouve ça moins malsain. Je trouverais ça moins malsain que t'écoutes Parcelle de Soleil. Ben franchement, là. Sans faire de trop. Ben, c'est une petite farce, mais on n'est pas loin.